j'étais très jeune, très jeune, très jeune, quand j'étais encore sur le sein de ma mère, elle me disait, faut dire qu'elle était veuve, les hommes ne te feront que des misères. Je vais mon chemin, tu vas ton chemin, toi de ton côté, moi du mien. Je vais mon chemin, tu vas ton chemin, ne m'oublie pas, moi je t'aimais bien. Si l'amour me donne des ailes, c'est pour pouvoir m'envoler. Et ne fais pas tant de zèle, un bon matin je te dirai ma belle. Je vais mon chemin, tu vas ton chemin, toi de ton côté, moi du mien. Je vais mon chemin, tu vas ton chemin, ne m'oublie pas, moi je t'aimais bien. J'ai connu des filles, des filles, des filles. J'ai connu des filles, j'ai pris une femme. Elle me faisait de la camomille. Elle mettait des rubans à mon vieux chien William. Je vais mon chemin, tu vas ton chemin. Toi de ton côté, moi du mien. Je vais mon chemin, tu vas ton chemin. Ne m'oublie pas, moi je t'aimais bien. Si tu vois ma belle, si tu me tends l'échelle, je te chanterai mes plus jolies chansons. Et quand tu penseras que tu me tiens, tu te retourneras, je serai déjà loin. Je vais mon chemin, tu vas ton chemin, toi de ton côté, moi du mien. Je vais mon chemin, tu vas ton chemin, ne m'oublie pas, moi je t'aimais bien. En allant de par le monde, le temps m'a semblé si long, que j'ai chanté cette chanson à 120 brunes et 83 blondes. Je vais mon chemin, tu vas ton chemin, toi de ton côté, moi du mien. Je vais mon chemin, tu vas ton chemin, ne m'oublie pas, moi je t'aimais bien. Ne m'oublie pas, moi je t'aimais bien. Ne m'oublie pas, moi je t'aimais bien.